Conlambi Mythic Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Premier dimanche de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 16h-17h. Bonjour à tous, c'est EDS, Conlambi, Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois, 16h-17h sur Radio FPP, rfpp.net. Un point de vue sur les musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe, en particulier les musiques créolophones. Et aujourd'hui, on a la chance de faire une émission spéciale autour d'un artiste, eh bien on va dire majeur de cette musique actuelle des Antilles, de Martinique principalement, et aussi plus loin que ça. Izzy Kenenga. Yes, salut à tous, salut Edson. Ça va bien? Oui, super. Tranquille. Izzy nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui, nous fait qu'il dise de qui côté ça y est. Et voilà, on va parler de l'actualité bien sûr, mais on va aussi remonter, comme on disait, maintenant c'est une carrière, c'est une, déjà une discographie. Mm-hmm. Déjà, on en est maintenant au troisième album, on va dire, on va parler un peu de ce concept des EP. Yes. Qui se transforme en album. Quel regard tu portes déjà sur cette première phase de ta carrière, trois albums? Ben, quand je regarde dans le rétroviseur, comme on dit, je suis assez fier et content de ce que je suis, du chemin parcouru, des expériences qu'on a pu faire, des gens que j'ai pu rencontrer. J'ai trouvé ça très enrichissant. Ça me permet de vivre autrement, de voir que les choses sont possibles, quoi, que les barrières sont principalement dans ma tête et qu'il faut, comme on dit, les rêves donnent du travail. Donc avec du travail, les rêves se réalisent. C'est moi, c'est ce regard-là que je porte, de voir que on est allé plus loin que là où on pensait qu'on pouvait aller. Et donc du coup, aujourd'hui, on a encore envie d'aller plus loin. Et cette fois, on rêve encore plus big. C'est un peu ça le résultat que ça donne, quoi. C'est que cette fois, on rêve un peu plus expérimenté, je dirais. Donc l'émission s'appelle « Musique Jeudi, musique d'aujourd'hui ». En manière pour dire que musique nous vivons, mm-hmm. Pas rien qui nostalgie. Ouais. L'idée bonne qu'a fait musique toujours. Mais l'idée, voilà, en discutant avec toi, souvent, c'est que ce qu'on cherche à montrer dans l'émission, c'est quels sont les artistes, qu'est-ce que les gens proposent de neuf, pas simplement ce qui refont, ce qui a été fait ou ce qui est fait ailleurs, mm-hmm. Mais ce qui apporte leur proposition musicale, leur couleur. Et je pense que dans ce style-là, c'est très intéressant de discuter avec toi parce qu'il y a eu... Il y a eu un moment, on va dire, dans les années, ton premier album, c'est 2010. 2010, ouais. Ce début 2009. Des années 2010, fin des années 2000, peu importe. On a parlé d'une nouvelle scène, voilà, d'une nouvelle scène créole. Il y a eu aussi beaucoup en termes de, justement, de scènes, de prestations scéniques, de showcase, qu'on a dit acoustique. Ouais. Tout un courant, mais aussi toute une nouvelle mode. Et de ma petite analyse, tu es un peu à la base de tout ça, en tout cas de ce renouvellement. C'est pas vous qui premier book qui tient bien en guitare pour jouer, mais Ça a lancé voilà un nouvel attrait pour la scène déjà. Exact. Pour le live. Toi, comment tu as décidé de prendre ta guitare et de te mettre à chanter? Parce que moi, je te vois d'abord comme quelqu'un qui vient du reggae dancehall. Exact. À quel moment tu as switché dans ta tête pour... Alors, le switch s'est fait pendant mes années d'études. Donc, j'étais à Bordeaux, c'était en 2008. En gros. Et en fait, c'est une année un peu d'inactivité, enfin pas vraiment inactive, on faisait du son, mais bon, on gardait pour nous, c'était sur des mixtapes. Je tournais quand même avec G, on faisait des prestations sous l'étendard de One Day, même si on n'était que deux. Donc on faisait du son, mais bon, moi j'étais plus dans une phase aussi de ma vie où voilà, tu apprends à te responsabiliser, il n'y a plus les parents. Tu as les premières claques de la vie, je dirais, à tous les niveaux, que ce soit relationnel, social, financier, etc. Et en fait, moi, je faisais donc plus du reggae dancehall à la base. Et puis avec One Day, on faisait de la musique, je dirais, du zouk, du reggae, de la dancehall, du R&B, etc. Et moi, mon truc, c'était les textes, quoi. J'avais toujours cette impression que j'arrivais pas à me faire entendre correctement sur les sons de club, les sons avec... Et bon, moi je jouais à la guitare pour enregistrer les albums, mais c'était pas quelque chose qui était mis en avant dans One Day, le fait que je joue de la guitare, donc ça se savait pas trop. Hein. Et j'ai commencé à retravailler des sons dancehall, comme Papé par exemple, que j'ai posé sur de la dancehall en premier en fait, sur un gorilli, mais je me disais tiens c'est dommage, c'est technique, c'est beau, ça fait pas Papé, c'est technique, c'est sympa, mais j'ai pas l'impression d'être entendu, ouais. Et bon, moi j'avais quand même envie d'être entendu, et petit à petit, c'est un travail que je commence à faire dans mes toilettes, hein. Guitare, voix, à retravailler des sons, à faire mes trucs, à trouver plus... Et puis il y a aussi chercher des références d'artistes qui s'assument guitare-voix. Donc comme référence, j'avais Tété à l'époque, que je suivais, j'avais son premier album qui est sorti en 2001, donc c'était une référence pour moi. Et puis, en recherchant dans mes propres racines, je suis tombé sur des vidéos de Patrick Saint-Éloi en guitare-voix. Ok. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait... Ça peut fait. Ouais, ça qu'a fait, ça quoi. Fait, ouais. Et puis, il y a aussi Patrice. Patrice, que je me rappelais d'un son... Qui est sur mon dernier album. Donc, je me rappelais d'un son No Excuse sur son album, qui était entièrement guitare-voix. Et donc, c'est tous ces trucs-là qui me revenaient, où je comprenais pas exactement pourquoi, mais je sais que ça me touchait plus. Donc, ça porte plus l'attention. C'est un exercice qui est délicat, mais... Une fois que c'est bien fait, je veux dire travailler en tout cas, je trouve que ça donne autant qu'un gros live ou qu'un gros système de son, quoi. Ça Alors, comme tu as dit, une fois que c'est bien fait, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Donc, je voulais revenir. Donc, tu as dit, on est fin 2000, on est 2008, quand tu commences à faire le truc. Ouais, voilà, 2008, ouais. Voilà, moi, au même moment, je suis à Paris, 2009, tout ça, 2010. Voilà. Je commence à entendre parler d'un certain Easy, que j'ai, mine de rien, mon jaouer en lofois chanté, que ce soit par hasard ou volontairement. Moi, à la même époque, j'étais très, très, très rap, bon, plus jeune, un peu obtus. Bon, bah, t'es qu'à j'écoutais One Day, et au dis-moi, Easy, ça dangereux, bon, ok, ouais, sans plus de conviction que ça. Mm-hmm. Et puis je vois le gars arriver, déjà au niveau de la présentation, à l'époque tu avais toujours ta petite veste. Ouais, exact. En mode guitare-voix, mon chacun, ouais, les formes-là, on laisse ça. Donc moi-même je me dis, bon, c'est peut-être pas trop ma cam. Ouais. Donc pourquoi je dis tout ça, c'est parce que moi ce qui m'a frappé dans ta proposition, c'est qu'au-delà de... Tout le monde retient la positivité, tout le monde retient voilà, le message, jusqu'à aujourd'hui, Soldat Lamou, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est les morceaux, justement, je retrouvais le flow. comme tu as dit, c'était important pour toi qu'on comprenne ce que tu dis. Mais justement, c'était vraiment la diction toujours impeccable, le flow toujours bien placé et le jeu sur la rythmique avec la guitare. Ouais. Donc c'est ça que je voulais savoir, c'est comment tu es déjà arrivé, ne serait-ce que décomposer le rythme, marquer les temps, one drop, mixer, etc. et caler le flow avec ça. À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un truc particulier à ce niveau-là? Mais pour moi, c'est jusqu'à ce que tu le dises là, pour moi, j'ai pas un truc, c'était pas particulier, c'est simplement, bon, j'ai pris les codes du reggae dancehall, donc tout ce qui est les mises en place, les one drop, les low, et puis plein de techniques que j'ai découvert via d'autres artistes pour essayer de retranscrire un maximum d'infos sur la guitare, donc que ce soit la basse, la rythmique, tout ça. Et donc petit à petit, ben, c'est la synergie de tout ça, quoi, je dirais. Je ne saurais pas comment expliquer vraiment là tout de suite. Mais... Une autre non, disons que voilà, moi à la base c'était reggae dancehall, mais j'aime Francis Cabrel. Et en même temps, bon, ben, je suis fan de Céline Soupacou, de Sizzla, de. Ouais, tu vois ce que je veux te dire, Papa Tank, c'était déjà mon premier exemple, qui faisait déjà une belle synergie de tout ça, tu vois. Et donc, moi, j'arrivais. Pour moi, il y avait plus de. J'avais pas fait cette limite entre guitare, voix, reggae dancehall et. Petit à petit, la barrière s'est enlevée entre le côté. Les gens disent show acoustique ou show live, mais pour moi, c'est du live. C'est ça. C'est qu'à un moment. Pour moi, il n'y a pas de différence quand je vais avec guitare-voix ou quand je vais avec full band. On va parler de ça aussi. C'est aussi. Parce que j'ai eu l'occasion de te voir full band, où justement, pareil, je m'étais posé la question, mais. Ok, ça pète, mais qu'est-ce que ça donnerait avec la suite? C'est que souvent, après, dans tous les choix acoustiques, beaucoup d'organisateurs, promoteurs ont retenu, on va dire, la formule. Facile à mettre en place, toi, qui coûte pas cher, voilà, c'est moins, tout ça, moins de musiciens à payer, etc. Le côté pratique, mais c'est aussi une réalité de la musique. C'est financière, quoi. Mais je trouvais que sur scène, beaucoup d'artistes qui gardaient cette formule, on va dire, acoustique, guitare, voix, gardaient juste l'aspect mélodique. Donc souvent, je trouvais les shows un peu... C'était un peu chiant, quoi. Voilà, ouais, ok, tu le dis. Non, parce que pour moi, c'était l'une de mes craintes au début d'être bon, c'est vrai que tu es guitare-voix. Des fois, je faisais des shows d'une heure et demie guitare-voix. Et bon, la guitare, pour moi, c'est un instrument extraordinaire, tu vois, mélodique, rythmique. Tu peux tout faire avec, quoi. Et bon, c'est vrai que pour moi, on a ce côté. Pour parler franchement, on confond souvent. Acoustique positif et naïf, quoi. Des pignons, et puis comme c'est positif, bon, ben, ça doit pas être travaillé. Comme... Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que là, pour moi, on confond. Ouais. Alors que moi, ce que j'apprécie en live, c'est que c'était la pression, en fait. C'est que tu auras. Ben, c'est l'étude qui se travaille, quoi. Justement, c'est-à-dire qu'il y a des slammers qui mettent la pression, qui peuvent te mettre la pression. Non, tu as des comédiens qui, eux, parlent, te mettent la pression. Parce qu'ils travaillent. C'est intéressant, mais c'est vrai que voilà, on est toujours en 2010, parce que l'album sort en 2010, et je me souviens, je sais même pas si on parlait, si on disait absolument le buzz à l'époque. Non, je ne parlais pas. Mais le bruit montait, je me souviens des afterwork, beaucoup dans les bars, des choses comme ça, donc on voyait Izzy un peu partout, les gens connaissaient déjà les morceaux, toutes les paroles. Des morceaux, et je ne sais pas si c'est un choix, mais l'album n'arrive pas tout de suite. Qu'est-ce qui... Est-ce que c'est la contrainte du moment ou est-ce que c'est un choix de continuer de développer? Non, en fait, c'est... Voilà, c'est-à-dire quand je suis guitare-voix sur scène, c'est pas juste la guitare et la voix, c'est toute une vibe, ce qui se passe avec les gens qui sont là, la vibe du lieu, les trucs que je vais dire entre, même les fautes, les blagues, les trucs. Donc, quelqu'un qui sort de ça, donc il a bien kiffé les sons, certes, mais il a kiffé... On a eu une expérience, en fait, émotionnelle, tu vois. Et pouvoir mettre... Nous, on voulait pas juste mettre le son sur l'album, on voulait mettre l'expérience, tu vois. Mais c'est pas évident. Et donc, nous, on voulait trouver un son. Avec Joël, on cherchait un son. C'est pas du zouk, c'est pas du reggae, c'est pas ou bien... C'est un nouveau truc, c'est un truc à moi que je veux amener. Et donc, c'est le temps de créer ce que les sons allaient donner sur un album. Parce que oui, je l'ai joué guitare-voix, mais... Après, je sais pas si... J'ai fait des sons guitare-voix, ça a marché, mais... Il y en a que j'avais envie d'instrumentaliser, mais il faut trouver comment. Et je pense que c'est... Enfin, pas je pense, c'est tout... C'est le temps de création de tout ça. Par exemple, l'instrumentalisation du son Papet. On a eu 5 versions, quoi. Il y a eu des versions Chouvalbois, il y a une version... Faut que je retrouve ça, justement, ouais. Alors, c'est intéressant que ça devienne, quand tu parles de comment sortir ces morceaux qui ont déjà leur public, mais en live. Voilà. Je sais plus si... Je pense que c'était à la Beauty Soul Créole où tu avais des musiciens. Ouais, à la moitié du show, il y a les... Voilà, il y avait un passage musicien. Et c'est un moment intéressant, parce que je me souviens de... Alors, quand je dis le public, en fait, je parle des gens autour de moi qui aiment Easy. Donc, peut-être que c'est pas représentatif. Mais j'avais des gens qui voulaient Easy uniquement avec une guitare. Ouais. Et je me suis dit, tiens, on aurait dit que le frère veut développer, il veut pousser le truc. Peut-être qu'il a toujours eu envie d'aller dans cette direction. Ouais. Mais le public ne sait pas encore ce qui, est-ce qu'il est prêt à accepter. Donc, est-ce qu'au moment du premier album, je veux parler des arrangements, des choix qui ont été faits, est-ce que ça a été un problème pour toi? Est-ce que tu t'es dit qu'il faut que tu mettes le maximum de guitare-voix parce que c'est ça que les gens demandent? Ou est-ce que tu as fait juste simplement ton truc? Non, parce que pour moi, c'est deux... Enfin, je sépare pas, mais si tu veux, avec One Day, j'ai déjà quand même une expérience de deux albums instrumentalisés avec le live qui va avec. Donc même si je fais du guitare-voix, mes codes de faire un album... J'ai mis deux guitares-voix, Décidé et Love and Channel, je crois. Mais ce que j'aime dans la musique, c'est pas que le guitare-voix, tu vois. Moi, le guitare-voix, c'était vraiment pour tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, quoi. Le côté live, aller à la rencontre du public, leur faire découvrir pas juste des sons, mais un univers, un état d'esprit, quoi. Tu vois, même si c'était inconscient au départ, mais l'idée, c'était ça. C'est pas juste tiens un son, mais aussi... je partage avec toi la petite réflexion qui a mené à ça. C'est une vibe. C'est-à-dire que tu peux venir à 50 fois, ça sera 50 trucs différents, même si c'est les mêmes sons. D'ailleurs, à quel moment tu as, toi, cet univers, cet esprit, d'autres diraient, cette marque Easy Kenenga, à quel moment tu en as conscience? Parce que tu avais déjà ton logo, tu avais déjà tes t-shirts, tu avais déjà une approche, on va dire marketing, même si c'est un gros mot pour certains, mais tu avais déjà cette conscience. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas là en mode touriste, pour parler franchement. Tu es venu faire un truc. C'est-à-dire que quand j'arrive en 2009 à Paris, je fais ma première date en mars. Tout ça, je l'ai déjà pensé, même si je sais pas exactement. Je ne prédis pas. Mais il y a une phrase qui te dit, ça m'avait choqué au début, mais aujourd'hui, je peux le dire, le succès, c'est pas du hasard, ça se planifie. Moi, j'ai fait une école d'infographie et multimédia, où bon, j'ai appris du marketing. Donc j'ai créé mon logo avant, je voyais déjà où je voulais aller, ce que je voulais faire, quelle scène je voulais faire, qui est-ce que je voulais rencontrer. Ça s'est pas fait exactement comme j'ai prévu, mais moi je pense qu'aujourd'hui on planifie pas assez. Donc qui dit planifier dit travailler. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire des scènes, mais je savais que à la première scène, si ça marche bien, ça va décoller ou à d'autres scènes, c'est pas là que je vais préparer des choses. Je prépare tout ça avant parce que mon objectif c'est ça, donc je me mettais déjà en mode en condition. Moi mon but c'était de faire des grosses scènes live jusqu'à l'Olympia. C'était pas l'Olympia, mais c'était des trucs comme l'Olympia, quoi. Donc je me disais bon ben il faut un show. Tu vois ce que je veux te dire? Après j'ai appris plein d'autres trucs, il y a plein de trucs qu'on a fait sur qu'on a créé aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut... C'est en fait, c'est, là, je le dis plus en mode conseil pour les plus jeunes, quoi. Et puis même pour les collègues. C'est-à-dire que tout ce que le public découvre, nous, on l'a déjà imaginé. Même si on sait pas, on peut pas imaginer comment ils vont le recevoir, ni comment ils vont réagir ça avec ça va marcher ou pas, mais c'est déjà, on sait déjà, c'est-à-dire que quand on sort ce son-là, on sait déjà quel son sort derrière, qu'il marche ou pas. Mm-hmm. Et c'est un problème que moi j'ai constaté et que je comprends aussi, c'est-à-dire que on va sortir un son, mais les sons ont capté. La machine a démarré, mais j'étais pas prêt en fait. Et c'est une machine qui démarre et puis le public est. C'est comme quelqu'un qui dit hé oh loup! Donc on arrive, mais il n'y a pas de loup. Donc frère, on va venir une fois, deux fois, mais on ne vient pas la troisième fois. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, aujourd'hui, j'en reparle avec mon expérience et mon regard sur ce qui s'est passé, mais je ne le vivais peut-être pas comme ça exactement en 2010, mm-hmm. Tu vois. Mais si tu veux, mon logo, je m'étais déjà dit, ok, on va faire une marque, du merchandising, des trucs. Moi, je suis graphiste, j'ai fait mon logo, commencé à habituer les gens. Je suis pas marketeur, mais j'ai appris du marketing. Et après, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent ça comme une injure, mais tu veux jouer à un game sans utiliser les outils d'un game, ça me paraît compliqué, tu vois ce que je veux te dire. Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment d'être un peu... précurseur dans ça, ou est-ce que tu as vu d'autres artistes? J'ai vu d'autres avant. Artistes faire. Hein. Moi, je me suis inspiré, par exemple, j'ai commencé à faire les RKTV. C'est quand je vois les rites de la semaine de Yong Chang, d'ailleurs, Big Up à Yong Chang, une pensée pour lui, que je me dis, hey, c'est sympa ça. Ou, c'est l'époque où c'est les Skyblog qui donnent, YouTube. Mm-hmm. Bon, limite, on connaît pas trop, c'est Dailymotion qui a bas à l'époque. Je me dis, tiens, je vais me faire aussi ma petite émission KTV, mais bon, lui c'était pour donner du son, machin. Moi, je me suis dit, c'était pour donner l'actu. J'ai commencé à montrer mes lives en fait, des scènes live par les KTV par exemple. Donc, je me suis inspiré de Yong Chang. Après, il y avait plein d'autres artistes, plein d'autres personnes, pas que des artistes qui faisaient ça, mais le premier que j'ai vu de chez nous faire ça, c'était Yong Chang. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, précurseur, je pense pas que je sois précurseur de quoi que ce soit, tu vois. La guitare voix, voilà, Tracy Chapman, Ed Sheeran qui ont pissé des stades déjà. Enfin, pas des stades, mais... Mais on peut quand même dire que quand il fallait... ma façon de m'approprier chaque truc, ouais. Oui. Elle est à moi, quoi. Et puis, je pense une certaine retranscription du reggae dancehall, parce que ça reste un mouvement qui a des codes très marqués, parfois même bloquants. Et toi, tu t'es affranchi quand même de tout ça, c'est-à-dire que exact. Le public n'a pas forcément conscience de cette racine reggae dancehall très forte. Moi, je suis très imprégné de cette racine, des codes, justement de ces contraintes-là, ça a été des barrières que j'avais, tu vois. Mais après, je reconnais aussi que moi, c'est la musique, quoi. Je suis un musicien aussi. Une fois, c'est Malik Duranti qui me disait, tu es un chanteur-guitariste ou un guitariste-chanteur? J'ai pas su lui répondre, moi. Mais à la base, je suis un guitariste. Ok. Ces sons, ces musiques, moi, j'aimais faire quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être guitariste de papa. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et en fin de compte, je suis un peu. Je suis un chanteur instrumentiste, donc. C'est pas... Moi, je suis ouvert à toutes les musiques. Enfin, pas, j'aime pas dire ça. Ça fait un peu fourre-tout. C'est pas que je suis ouvert à toutes les musiques. C'est que j'aime la musique qui me donne les vibes. Donc, que ça soit zouk, reggae... Moi, voilà, j'ai une base reggae dans mes codes, dans ma façon de chanter. C'est sûr, c'est indéniable, tu vois. Mais après, moi, j'aime en zouk, tu vois. Moi, j'aime ma musique. Ce que je voulais dire, c'était que le reggae, le dancehall qui était très populaire... aux Antilles, peut-être presque plus qu'aujourd'hui, hein, avait resté très orthodoxe, on va dire, dans le respect absolu des codes, etc. Ça peut être la même chose un peu pour le rap. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on est à une autre époque où ça, les gens écoutent de tout. On n'est pas enfermé dans une seule chapelle, mm-hmm. Mais à l'époque, c'était, voilà, moi, je vends sur le système, j'écoute une seule, point barre. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce que ça a pu apporter, c'est que tu as ouvert, on pourrait dire c'est vouloir aller vers le mainstream, mais sans perdre, tu vois, ce que je te parlais de flow, de choses okay, comme ça, de cette exigence, bases, cette exigence, voilà, de respecter les codes, quand bien même il n'y a pas le rythme qui joue derrière, etc. C'était plus ça, montrer qu'on pouvait vraiment allier les deux et pas simplement diluer les bases original. Pour faire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, ouais, moi, c'est ce qui me plaisait, quoi, le côté où quand tu prends le mic, il faut qu'on sente que t'es bossé. Donc, oui, on t'écoute, on danse, oui, lélé, mais on t'écoute. On peut entendre que tu vois, quand toi, t'écris un texte et que tu le déclames, on sent que frère, que tu aimes ou que tu aimes pas, moi, c'est comme je dis, la fois, on n'est pas dans l'appréciation, machin, mais où là, tu es obligé de constater que, ouais, c'est travaillé, si je devais décrire cette vie en noir et blanc, je commencerais par vous dire à quel point les gens sont méchants. La famille pour la vie, les camarades pour un temps. On est cerné d'hypocrites avec des visages souriants. Ouais, il y a ceux qui se prennent pour Dieu, ceux qui préfèrent qu'on pense pour eux, ceux qui jouent les courageux mais au fond sont les plus peureux. Et puis il y a les rageux, les haineux, ils ont des gueules d'ange mais un feu démoniaque dans les yeux. Mais c'est curieux, on guette les haters de l'extérieur. Une autre scène qui m'a marqué, c'était Cabaret Sauvage. Tu as fait une, je sais pas si c'était une mini tournée, mais en tout cas c'était une double date avec Yannis Audio. Ouais, on avait fait une tournée ensemble. C'était une tournée ensemble, et vous partagez le même band, il me semble. Ouais, Article Band. Et là, on s'était vraiment dit, alors le 11 c'est toujours moi et les gens qui étaient à côté, et ça faisait plaisir d'entendre Easy avec un band, un vrai band, pure band reggae en fait. Ouais, voilà. Et ça m'avait vraiment marqué parce que tu avais démarré peut-être comme d'habitude, guitare-voix. Mm. Et à un moment, tu as déposé ta guitare. Ouais. Et c'était un Easy très différent qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est-à-dire en revenant encore sur ce côté, cette image hein, gentille, naïve. Mm. Au moment où tu as déposé ta guitare, j'ai eu l'impression que ça t'avait transcendé, que ça pas libéré. Parce que bon, comme tu as dit, tu es un guitariste. Mm. Mais je me suis dit, ok, à côté de Yannis Odua, Bouglala. Pas ridicule. Voilà. Yeah, merci, quel compliment. Ben effectivement, après quand je lâche la guitare, voilà, je suis plus libre d'être concentré justement sur mon flow, sur ma voix, sur mon corps aussi. Là, on revient plus aux bases où voilà, où je pense que je dois avoir quelques postures de fond de système des fois. C'est possible parce que voilà, c'est des choses comme ça qui me. En termes de performeurs qui n'ont pas de guitare qui m'inspirent, voilà, tu as Admiralty, tu as Sizzla, Yannis, Traika, qui sont tous des styles différents, mais qui sont tous des performeurs de ouf, Jean-Philippe Martelly, etc. Tu vois, et c'est vrai que c'est un autre plaisir pour moi, et c'est pour ça aussi que j'aime le live de voyer de la voix, quoi. Là, je me sens plus dans mon côté. On fait passer le message. Là, j'ai toute la concentration nécessaire pour faire passer le message que je veux faire passer. Donc, effectivement, si c'est un truc qui bouge, j'aurais tendance à bouger. Je serais plus. Ouais, c'est vrai que ça fait une grosse différence. C'est beaucoup moins statique quand j'ai pas ma guitare. Et puis, comme je suis concentré sur la guitare et sur la voix quand je joue à la guitare, c'est peut-être moins. Comment dire, moins pression, je dirais. Mmh. Parce que quand il n'y a que ça, et puis le band qui te porte. Mais... Puis moi, j'aime ça aussi, c'est tous ces aspects-là que j'aime. J'aime jouer à la guitare et chanter, j'aime que jouer à la guitare, j'aime avoir que le mic aussi, pouvoir rentrer dans une autre interaction avec le public. Puisque bon, la guitare, dans une dimension mystique, c'est aussi une protection. Donc, quand je l'ai sur scène, bon. C'est sûr, on est en communication, mais il y a toujours ma petite protection qui est à mon niveau émotionnel. Et donc quand j'allais plus, j'ai une autre façon d'être à nu, c'est un autre feu qui se libère, moi je dirais, tu vois. On a parlé du moment où tu travaillais les arrangements du premier album, donc avec Joël Jacoulet. Moi, dans ta discographie, mon album préféré, c'est EK Trip 2. Ok. Parce que j'ai trouvé, ça ne vaut que mon avis, puisque en termes des arrangements, d'une part, je les ai trouvés, musicalement, je les ai trouvés beaucoup plus pointus. Ouais. Et en termes d'interprétation, la voix, comme ce soit beaucoup moins naïve, beaucoup plus puissante. Beaucoup plus franche. Et il y a des morceaux, notamment comme Fini Commencé, En Prière. Voilà, je crois que ça c'est parmi les morceaux que je préfère. Avant ça, je ne sais plus quand ça se situe, mais il y a vraiment le morceau qui n'est pas sur cet album-là, où je me suis dit, bon, ok, ni en bagaille là, c'est Madame Issé. Ah oui. Parce que, il y avait le flow et puis le propos. On n'était pas du tout dans je ne vais pas dire la naïveté, parce que ce n'est pas forcément ce que je retiendrai de ton travail du tout. Mais voilà, sur Madame Issé, on s'est dit, bon, même si c'est doux, hein, vous avez écrit, vous gagnez en bas avec vous. Ouais, là, ce son-là, j'ai écrit vraiment sous l'émotion. C'était l'époque très Gaza, où Gazan devenait mainstream chez nous. Mais que le côté mauvais, quoi. Que le côté violent, machin. Donc, bon, j'avais envie un peu de replanter le drapeau, dire oui, ok, Gaza, mais c'est Mada, ouais. Et donc aussi développer sur cette réalité que je voyais de là d'où j'étais. J'étais en France, c'était beaucoup sur les réseaux sociaux, l'expansion des réseaux sociaux. Et donc c'était un peu ma façon de dire, bon, ben, voilà, l'histoire de, comment dire ça, voilà mon point de vue, quoi, sur l'affaire. Donc je le fais en musique, je suis musicien, et c'était vraiment un son spontané, le premier des premiers sons que j'ai produit de A à Z. Okay. Moi-même, le clip et tout, c'était avec Nicolas Noël, à l'époque où il était encore aussi big qu'il est maintenant. Et c'était très spontané, j'étais assez surpris de l'accueil de ce titre. Mm-hmm. Voilà, franchement. Après, donc on a, je parlais de EK Trip 2. Où il y avait de très beaux clips, hein, je me souviens, enfin voilà, je me suis dit pour moi ça parachevait, on va dire, tout ce travail depuis que tu as commencé à faire les scènes, trouver le meilleur équilibre pour mettre en musique en fait cette formule qu'on dit acoustique pour faire vite, mais ouais. Bon, voilà la richesse musicale, et puis là tu as fait Carnet de bord. Carnet de voyage d'un soldat. Carnet de voyage, excuse-moi, le soldat Lamou. Et le premier EP, le volume 1, il y a eu un très gros virage musical au niveau des arrangements. Je pense qu'au micro, le propos, etc., c'est toujours le easy qu'on connaît. Même s'il y a eu une note d'autotune qui a pu déstabiliser certains. Bon, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu choisis la couleur musicale de ce EP? Ce qui se passe, c'est déjà le 4-2, c'est un album qu'on fait un peu sur la route, donc avec les musiciens, d'où les arrangements qui sont un peu plus, les plus live, je dirais, plus musical. Et pour le troisième, déjà j'avais envie de proposer autre chose en fait, j'avais envie de casser un peu. Casser l'image aussi. Ouais, pas casser l'image. Pas l'image. Tu disais, les propos restent les mêmes. Oui, même, bien sûr. On reste quand même sur une base. Enfin, pas la même, mais qui reste dans la même. Casser la formule. Casser la formule. Et puis, prendre mon pied aussi, tu vois. Prendre mon pied, m'approprier des trucs que je me suis jamais approprié, comme l'autotune. Les gens n'ont pas apprécié parce que l'autotune est souvent là pour masquer des erreurs. Non, on l'a utilisé dans un but vraiment. Pour soutenir le propos et l'univers du morceau. C'est-à-dire que c'est un morceau qui marche bien en live sans autre chose. C'est ça qui est marrant. Et comme j'aime dire aujourd'hui, j'ai plus envie de faire des expériences musicales qui prennent base dans ce que je traverse au moment où je le fais, des gens avec qui je travaille. Là, on a travaillé avec Trax et Georges Jacquemin. Tu vois, c'était encore une autre façon de travailler que d'habitude. J'ai pu travailler avec Trax sur les façons de poser. Donc. Voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ou après, j'aurais aimé, là, prochainement, faire un album avec les musiciens directs. Pas d'ordi, tu vois. Ça peut être Et moi, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de conforter les gens dans Easy, un 4-Trip 1, un 4-Trip 2. Donc voilà, c'était mon trip. Je vous présente. Voilà, le côté 4-Trip, c'était le côté égo-trip. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le troisième, c'était vraiment cette envie de me créer un véhicule où je puisse faire vraiment tout ce que je veux. Donc, quand on est de voyage, c'est par chapitre. Voilà, le premier, il était très dépouillé, très expérimental. Donc, autant les gens ont pas trop, au premier abord, ils ont pas trop aimé la foule. Après, allez, viens. C'était bizarre, mais finalement, ils aiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Au combat, bon, ça leur a parlé plus vite, je pense. Parce que bon, ça, enfin, genre, je voyais les commentaires. Ah, le Easy qu'on connaît. Haters bon, aussi. Ben, Haters, j'ai eu des retours particuliers ce soir et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai, tu vois. Ou d'abord, c'est. Je me rappelle, il y avait un journal sur le web qui disait ouais, c'est le moins bon son que j'ai le plus entendu de Easy en termes de texte, tout ça, bof, machin. Et beaucoup de gens m'ont dit ça quand c'est sorti. Et ce qui était intéressant avec cette chanson, c'est que d'autres m'ont dit c'est trop philosophique. Et 6 mois après, certains qui m'avaient dit que c'était trop ceci, ils sont entrés dedans, tu vois. Peut-être personne pas qu'à trouver ça bizarre, yeah. Ok, il faut que jeunesse se fasse, mais s'il vous plaît qu'elle ne se fasse pas dans la grâce. Oh yeah, rien pas changé, c'est toujours sexe, l'âge, alcool et drogue qui en mode, qui en vogue. Tout le monde veut être en mode, mais à force suivre le mode, moi qu'on nous peine l'école, nous. Nous cabig up, ça qui déroule, oublier quand on nous cave au plus qu'il a oublié. Que forme cette raison, c'est maman, c'est la vie. Et bien plus encore, nous ça pas l'effort. Mais sans fond, nous pas crédit pour un sou. Et puis nous jusqu'à jaloux, ça quitte nous. Hey, où c'est géré que sexe et l'amour, ça banale. On a parlé de l'évolution musicale sur les albums. On va repartir avec les 4-Trip 1, où tu as eu un très gros succès, en tout cas, c'est la perception du public. Un très gros succès, notamment avec Nous en LSA. Qui est vraiment devenu un hymne, tu as fait beaucoup de scènes, ça t'a amené assez loin. Je sais plus si c'est à ce moment-là que tu fais. Non, tu as fait l'Olympia, mais c'était pas. Non, c'était à 2. C'était le 2. Je voulais savoir, lorsque tu fais Carnet de voyage, comme il n'y a pas le gros single qui a fait le buzz, etc., on se dit, ah, Easy est un peu en retrait, Par rapport à cette perception. Moi, je voulais parler, j'avais parlé de ça avec Moustaphe, moi-même avec toi à l'époque. Je sais pas si c'était après le premier album, mais quand tu avais commencé à faire des scènes dans les alliances françaises, dans d'autres pays de la Caraïbe, etc., où tu repartais en fait au charbon dans les petites salles, etc., je pense que c'est intéressant d'en parler parce que le public n'a pas forcément cette perception. Comment toi tu le vis après un succès, après des grosses salles, des gros publics, de repartir au charbon dans des petites audiences. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on revient au truc ragamuffine comme on a dit du début? Il faut toujours bosser, cravacher. Comment tu le vis là? Après, en interne, faire des grosses scènes, c'est aussi ragamuffine que les petites, en fin de compte. Et puis la vibe que moi je prends, jouer devant l'Olympia, bon, il y a tout ce. On va pas dire que c'est comme jouer n'importe où, ce serait mentir et minimiser le truc, tu vois, mais moi je. Ça me dérange pas en fait. Au contraire, c'est ce que j'aime, quoi. J'aime voyager, j'aime découvrir des trucs. Comme je disais, pour moi, il n'y a pas de différence entre guitare-voix, full band, 10 personnes, 10 000 personnes. Juste la dimension mission que je mets à ma musique, elle a une forte place dans ma façon de faire le truc, quoi, tu vois. Tu vois, les grosses salles, c'est bien, c'était mon rêve, j'ai fait. Je pense que je vais en refaire, je vais kiffer les refaire. Mais c'est plus l'objectif principal, quoi. Pour moi, je savais que j'allais pas faire l'Olympia tous les week-ends, je suis pas dans un game pour le faire, c'est possible, hein? Mais pas moi. Et puis, repartir au charbon, comme tu dis, voilà, j'ai recommencé à jouer dans des bars, mais cette fois au Venezuela, cette fois au Brésil, cette fois au Ghana, cette fois au Jamaïque, tu vois. Pour moi, j'ai pas l'impression de recommencer, quoi. Enfin, même si je recommence, c'est autre chose, puisque c'est des gens qui comprennent pas la langue, qui connaissent pas du tout les Antilles, qui... Moi, j'aime ça, j'aime apprendre les langues, j'aime parler les langues, j'aime découvrir d'autres cultures, j'aime rencontrer des gens, et j'aime faire découvrir aussi ce que je suis par ma musique. Aujourd'hui, je comprends que tout ce moment-là, ben, les gens, ils me voient pas à la télé, donc pour eux, c'est dead. Mais pour moi, je me dis, waouh, mais c'est ouf! C'est ça que quand je reçois des messages, je dis, tu as arrêté la musique? Je me dis, mais non, mais au contraire, mais là, je suis jamais chez moi, je suis quatre coins du monde, les gars, bon, ok, vous suivez pas sur Instagram, bon, je comprends, mais ah, il se passe des trucs de ouf, en Guyane, à Mana, Papa Ichton, je découvre des trucs, je vais dans des villes même de nos îles que les gens ne sont jamais allés, tu vois. Après, je suis un peu détaché, pas détaché, mais tu as d'autres envies, quoi. Une fois que tu as réalisé un rêve, il y a un autre rêve qui prend place, auquel tu pars et tu, avec l'expérience de la première réalisation. Mais pour moi, je pense que les gens voient ça comme une, comment dire ça, comme un déclin. Mais pour moi, c'était la période justement qui m'enrichit, qui mène à me faire me dire non, mais faire musique, la musique se réduit pas à faire un son qui passe à la radio pour faire des concerts. Non, moi je vois aussi toute cette possibilité de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre de l'autre, comme les gens se disent, hey, c'est un chanteur, peu importe où tu vas dans le monde, comme les gens voient un artiste, ils se sentent plus à l'aise. Et moi, c'est tout ça que. Je reviens enrichi de tout ça, je m'enrichis de tout ça et j'ai plus envie de limiter à ce à quoi on me limite, cette case. Bon, comme je dis, j'ai dit ouais, moi je suis pas dans les cases, mais au final, quand tu dis ça, on te met dans la case des 100 cases, qui reste une case, tu vois ce que je veux dire? Et moi j'ai envie de faire comme s'il n'y avait plus de cases. Ouais. Voilà, pour moi, je vis des trucs que je vis comme du succès, mais qui ne le seront pas pour les gens. J'ai fait un feat avec Patrice. La plupart de mes potes m'ont dit c'est qui. Alors que pour moi, c'est la réalisation de rêve de gosse. Pour moi, c'est presque, voilà, j'ai fait un truc avec une star internationale. Pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, est-ce que je fais ça? Je vais laisser le fait que, bon, finalement, les radios n'ont pas trop kiffé. Le public est un peu passé à côté. Ah, mais finalement, un an après, qui vient. Mais au final, j'ai envie de le faire pour moi. Mais tu parlais de featuring, c'est intéressant parce que sur tes deux premiers albums, il n'y a aucun featuring. Ouais. Et là, sur le premier chapitre des carnets de voyage, il n'y en a pas. Et sur le deuxième, tu sors l'artillerie lourde. Hein, ouais, parce que voilà. Tu as dit Patrice, effectivement, pour les amateurs de reggae, Patrice, c'est une référence. Mm-hmm. Tu as fait, donc pour les amateurs d'abord de rap, de plus largement. Tu as des fondations Jocelyne Béroir, Jean-Philippe Martelly en zouk, et puis les fondations en reggae local, les Sudua, Straika. Et puis Moran, la fondation de la nouvelle génération. Comment tu. J'imagine que c'était volontaire d'avoir tous ces featuring, mais quel est ton rapport aux collaborations? Parce que tu es. Comme je dis, sur tes premiers albums, il n'y en a pas du tout. Mais en même temps, tu es sur des albums importants aujourd'hui. Bon, tu es sur l'album des 40 ans d'Akio, tu es sur le dernier album de Dominique Coco. Voilà, il me semble que sur l'Akio, tu es peut-être le seul invité martiniquais de l'album. C'est un album qui a je ne sais pas combien de morceaux. Comment tu abordes cet aspect collaboration? Ben moi, la collaboration, j'aime bien qu'elle parte d'une expérience réelle, d'un vrai partage. Et avec tous les artistes, à la mesure de ce que ça peut être. Hein. C'est-à-dire que bon, l'expérience que j'ai pu avec Patrice, avoir avec Patrice, ce sera pas la même qu'avec moi, vous voyez. Pour... Voilà, c'est pas mes amis, mais la relation que moi j'ai avec ce qu'il a fait comme travail et tout ça, c'est important pour moi qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Il y a Nissi Strika, c'est des gars qui m'ont parlé tout au long de ma carrière, des conversations qui m'ont marqué, qui m'ont guidé. J'ai aussi des pipos pareils, tu vois ce que je veux dire. Et donc moi, la collaboration, il faut que ce soit la résultante d'un partage, d'un vrai partage, au moins d'une discussion. Moi, j'aurais du mal, c'est vrai qu'on m'a dit « Ouais, j'ai fait des feats, mais c'est pas forcément des artistes qui ont la cote dans tel marché ou tel. » Je dis « Ouais, mais pour moi, c'est des artistes lourds. Qu'ils aient la cote ou pas à tes oreilles. » Moi, je suis fier de ça quand je me dis « Putain, j'ai fait des feats, mais sur un seul album, il y a une seule doua. » Strika dit « Je suis libre, j'ai fait monter le féfé, Patrice. » Vous voyez. Bon, moi, je suis fier de ça. Tu vois ce que je veux te dire. Et en même temps, tu donc la collaboration pour moi, c'est vraiment ça. Avec Akiyou, bon, c'est vraiment, voilà, je vis entre la Guadeloupe et la Martinique, donc j'ai eu l'occasion d'aller couvrir un massacre avec Akiyou, avec Helium, qui est ma sœur de son cœur. Donc, c'est quand il m'invite là, c'était déjà la famille quand je rencontre en 2009 Marceau et Calipi en Guyane avec... voilà, Calipi participait, il était avec Marceau. Marceau qui est l'un des fondateurs du groupe Akiyou. Voilà, pour moi, cette invitation-là, elle part pas juste de buzz, en fait. Mm-hmm. Elle est ma participation sur cet album-là, c'est la résultante d'expérience, de vrai partage, tu vois. Pour moi, que les gens comprennent ou pas, je sais que dans mon histoire, dans mon chemin, c'est... J'aime bien dire que c'est légitime. Toujours dans la continuité, on a eu l'occasion donc de faire le festival Héritage à Petit Canal. Et on va dire en backstage, j'ai pu voir comment les artistes viennent vers toi. Tu parlais de faire des collaborations avec des artistes qui ont le buzz ou pas, que les gens te faisaient ce commentaire-là. En vérité, je vois des artistes qui ont un vrai buzz venir vers toi comme pour parler comme un grand frère, pour avoir des conseils. Donc, exact. Je voulais savoir comment tu vis la chose, que je me suis dit, pour en fait, Izzy est devenu un grand frère. Ouais, hein. C'est ça, même moi, mais ce soir-là, moi-même, je découvrais que j'étais... Non. Voilà, et je me suis dit, mais si tu avais envie demain de faire un album avec tous les artistes, tout le top 10 de Trace FM, tu pourrais, entre guillemets, toi. Ouais, c'est possible, mais faut que ce soit vrai. Il ne faudrait pas que ce soit juste parce qu'ils ont le buzz. Tu vois, moi, je vois que la démarche que certains artistes ont envers moi, je sais que je l'ai eu pour d'autres. Je suis déjà allé voir Seka, Minoc, Paco Diaz, comme un petit frère, tu vois, qui... Pas parce que tu as le buzz que je viens, mais c'est parce qu'il y a un truc, ta façon de faire m'inspire ou je sais pas. Et bon, moi, En fait, pour moi, c'est comme la manifestation que je suis sur la route, le chemin de mon cœur. Ouais. Je pense que, voilà, je suis le petit frère qui devient un grand frère, je suis l'enseignant qui devient professeur, mais qui reste quand même un élève toute sa vie, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, si ça se fait, c'est que je suis sur la bonne route, quoi. C'est que, voilà, c'est la partie succès qu'on parle de buzz, machin, c'est une partie... C'est la partie émergée de l'iceberg, mais le reste, on ne peut pas malheureusement le montrer, en parler. Tu vois, ce soir-là, ben, le soir où le frère vient me voir, comme... et en fait, c'est que lui, il le dit clairement. Hein. « Hé, grand frère, est-ce que tu penses que... » Je me dis, travaille la café. Ça me dit, ok. Au-delà de mon ego, en marque grand frère, je me dis, ok, on va pas enchaîner comme on en vit suite. En tout cas, m'ont montré en chemin que mon nom y suit, tu vois, et... We got dreams, no problem. Do we act to realize? Do we think about children? Do we fight for them? We got dreams, no problem. Do we act to realize? Watch me. like kings and queens, like Sankofa. Age 15, bust on the scene with just a dream and a guitar. With hands like these, we toil and bleed for what we believe. This our destiny. I give thanks for life. Give me the mic and watch me thrive. Keep the peace, now watch me rise. Caribbean dreams and blossoms, all islands in the sun. Caribbean dreams and blossoms, all islands in the sun with you. You know your mother just I love you so much. Send you this message. On va parler un peu plus largement de, si on a dit c'est musique jeudi, donc c'est vraiment regarder un peu tout ce qui se fait. Tu peux en parler des artistes qui venaient à toi. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que c'était pas forcément des artistes issus de ce qu'on appelle, on appelait la nouvelle scène créole. Ça pouvait être des trappeurs, ça pouvait être des gens qui peut-être même en termes de message, on pourrait se dire tiens, c'est pas forcément ce que fait Easy. Je voulais savoir, toi, quel regard tu portes sur la scène musicale actuelle et les propositions musicales d'aujourd'hui, sachant que tu as toujours fait référence, tu fais toujours référence dans tes morceaux aux fondations. Tu as participé à un hommage à Eugène Mona, tu as invité Kassav, tu as travaillé avec Malavoie, tout de côté Mancal et Depigny Artist et tout, DS à Mancal Wazig arrivé. J'ai vu Akio au Grand Carbet en Martinique, où t'es là. J'ai vu un hommage à Marie Scultier, Parc Floral, d'ailleurs, on pourrait même reparler de ton intervention qui était vraiment intéressante. Comment toi tu vois toute la scène actuelle, tout ce game comme tu dis, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve ça intéressant, franchement. Non, moi je trouve ça intéressant quand je regarde ce qui se passe sur la scène trap. Enfin, moi je trouve que on est dans une époque où c'est dur de commencer, quoi. Je trouve que c'est dur de se faire une place. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de trucs. Mais j'ai l'impression que le game a évolué, mais si tu veux, le vrai truc n'a pas changé. Ouais. Beaucoup d'appels, très peu d'élus. Ouais. Mais comme là, il y a plein, je me dis, quand tout ça va s'écrimer, quand le duo labeur va arriver, quoi, c'est ceux qui travaillent qui restent. Je pense qu'on aura des trucs intéressants, tu vois. Là, on a eu cette impression, j'entends beaucoup dire, ouais, mais tiens, ça fait 10 ans, il n'y a rien eu, il n'y a personne, après ça là, il n'y a personne, tu vois, enfin, je sais pas. Mais je pense que c'est normal, tu vois. Je pense que c'est normal et que... Enfin, moi, j'ai l'impression que, même inconsciemment, ces filiations-là se font, ouais. Comme je te dis, quand j'écoute les trappeurs de Martinique, j'entends les chanteurs Bel Air, j'entends le chanteur de la Morphine, j'entends, tu vois, j'entends du MC Jani. Donc qu'ils le reconnaissent ou pas, bon, ça c'est yo. Ça là. Mais ça là, quoi. J'entends que les jeunes zoukeuses Martiniques chantent comme Princess Rover. Tu vois ce que je veux te dire, t'en as servi à des jeunes effets dans ce que pour rentrer. Donc, c'est-à-dire que. Même s'ils vont pas faire la démarche d'aller, de vouloir rendre hommage, c'est peut-être pas le moment non plus. Quand j'étais en mode One Day, je faisais pas tout ça, j'étais peut-être pas conscient. Pour moi, c'est aujourd'hui que, voilà, mon Gandhi, moi, pas comprendre que Simon là, c'est qu'on est même qui passait avant, qui fait Dubaï, tu vois ce que je veux te dire, que c'est une autre démarche de vie aussi, c'est une autre tranche de vie. Là, on parle des plus jeunes. Bon, ben, ils sont jeunes, hein. Il faut, comme Strike me disait, il faut que jeunesse se fasse. Nous, on a brûlé Babylone, voilà, tu vois, on a été rebelles à notre façon. Hein. Là, c'est une autre façon, ça nous dépasse, certes, mais Moi, je pense que, tu vois, moi, j'essaie, dans une discussion que j'ai eue avec Morane Voyer, tu vois, pour elle, elle a cette analyse très intéressante que la trap, ou bien que les rythmes, ce qu'on appelle deux notes de manière péjorative. D'ailleurs, je voudrais lancer un message, arrêtez de dénigrer les rythmes deux notes, ça fait partie de notre musique, que vous l'aimiez ou pas. Et donc, son analyse, c'est que, tiens, on dirait une évolution du belin. Cette grosse basse-là, avec très peu de mélodie au final. Il me semble que DJ Nos, qu'on avait interviewé dans l'émission, disait... J'ai eu cette discussion avec Nos aussi, exactement. Qu'en fin de compte, bon, ben, le BLS, c'était ça déjà, une basse, le côté... Bon, on le retrouvait... Tu vois? Très peu de notes mélodiques. Enfin, t'es ni en low mélodie, t'es ni en T-flute, le temps de la fin. Ben, et puis ce qu'on raconte, ben, c'est ce qu'on vit. Des trucs du goût DJ, donc moi aller en soirée, c'est, à l'époque c'était bon, on allait couper con, après nous aller faire un crève, j'avais barré, moi pas ça, mais c'était l'effet du jour, comme les chansons, comme les comptines quoi. Les comptines, c'était, ils racontaient des faits, et ces trucs-là c'était les journaux de bord, c'était les réseaux sociaux en fait, de l'époque. Mmh. Mais ça a toujours la même utilité. C'est-à-dire que ils utilisent ça pour raconter ce que les gens veulent pas entendre. Et ce que je trouve bad, c'est qu'ils s'approprient le truc à leur façon. C'est-à-dire que nous, on s'attend que les gens s'approprient le truc comme nous, on voit. Ouais. Ouais, on se dit, c'est là aussi, c'est comme ça qu'on crée, à mon sens, des groupes générationnels. Quand une jeunesse veut reprendre un truc, et puis on lui dit, il faut. Mais... C'est pas comme ça, mon mec, ils ont pas fait l'académie, il faut dire, c'était à moi, mon point. On a fait ça mon épi, c'est à moi. Donc, comme nous qui avons dit, non, mais il y a un café quand même. Moi, je dis, okay, il est passé, il y a la télé, mais il y a un café mignon sur YouTube. Mes parents, ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, comme j'aime dire, et ça, c'est plus mon analyse sur notre société, c'est que nous avons dit, c'est que j'aime là pour en voir que ouais, nous vivons mal. Bah, attends que je suive. Ça va logique. Il y a un moment qui dit, bon, les gars, ok, on est faire du live. Frère, il me dit, oh non, ça ne rapporte pas. C'est vrai. C'est ce que je vais te dire. C'est sûr qu'on aurait aimé qu'il soit plus mélodiste, que les textes soient plus militants. Mais frère, ils ne vivent pas le truc à la même époque que nous. Nous, on avait qu'une époque qui n'est plus. En fait, on est en train de faire pour moi ce que nos parents, en fait. Vouloir en confrontation plutôt que d'accompagner. Voilà. Parce que nous avons inévié. Ouais, mais nous qui avons mais chaque génération se dit casser un bail. Faut que nous casser le fait que frère, faut accompagner. Je te suis, hein, je posais la même question, je te disais à DJ Nos. Ça rejoint, c'est-à-dire que tu en parlais au début voilà, des bases du reggae dancehall, de la nécessité lorsqu'on prend le micro, de mettre la pression, d'écraser, d'avoir les lyrics, d'avoir le flow, etc. Et puis boum, on tombe sur cette génération donc de dancehall martiniquais, parce que c'est Kaino Selmo Yo Kafei, de DJ qui n'ont pas du tout ce souci de performance, qui sont sur autre chose. Ils sont sur autre chose. Et malgré tout, voilà, au début, ça accroche. Et puis comme tu dis, des fois on se dit, mais ils sont dans un autre délire où à force de ne pas imiter. Ce qui se faisait avant, ils ont peut-être créé parfois leur truc. Ils ont créé peut-être leur truc. Maintenant, ça ne nous parle pas. C'est autre chose. Mais voilà, je me suis dit ça. Mais après, en termes de message, tu en parlais dans Madame Issé, il me semble que tu as une phrase qui dit il faut que jeunesse se fasse. Ouais, mais qu'elle ne se fasse pas dans la presse. Il y aura la même chose pour les trappeurs. Alors là, ce sera Martinique, mais aussi beaucoup en Guadeloupe. Par rapport à toi, ton message toujours positif, comment tu vis cette négativité ambiante? Toi, tu parlais de « on va pas faire de live parce que ça ne ramène pas de chiffres », cette obsession voilà, du chiffre comme finalité et qui n'a pas poussé les artistes fondations de reggae, de dancehall, etc. Même si ça, ils chantent, les anciens chantaient la bière, artistes, des trucs, c'était présent quelque part, mais ce n'était pas la finalité. Comment toi, tu vis cette forme peut-être de négativité qui a le vent en poupe aujourd'hui? Moi, au premier abord, c'est frustrant. Moi, dans ma conception de la vie, voilà, tout le monde veut de l'amour et du positif. Donc il faut, à mon sens, juste le cultiver dans nos mots, dans nos paroles, dans les choses qu'on écoute. Mais ça, c'est ma vision des choses. Et dans un deuxième temps, c'est mon choix d'être positif. tu vois. Personne, pas forcément, c'est moi qui choisis. Donc il y a des avantages et des inconvénients selon comment tu regardes le truc. Mais aujourd'hui, moi je vois plus, à travers tout ça, j'entends plus le mal-être de notre société. Le fait qu'on soit moins à cheval sur la technique, le chant, ça offre la possibilité à plus de gens de s'exprimer, mais ça offre la possibilité, selon moi, à plus de gens d'exister. Et donc, au bout d'un moment, pour moi, cette négativité-là, cette puissance-là, parce que les gens, non, c'est ça. Pourquoi on arrête de se voiler la face? Que en mon cas, raconter des bêtises, qu'à venir célèbre, c'est parce que mon cas raconté. Des préférés t'en le chant des insensés au lieu qu'est t'en la réprimande du sage. Des préférés t'en le chant des insensés au lieu qu'est t'en la réprimande du sage. Des piquants tout petits vous pas senti ou grand, on y est là au grand ras, senti ou tout petit. Gagné à l'horizon, votre qui consommation, brûlez l'esprit sans qu'il t'y ait voyé mépris. Vous tout ça qui panique et oubliez l'histoire, parce que c'est la vie au premier rivet. Ça y fait belle, ça fait tout merci, il prend plomb. Même dans le milieu de la musique, est-ce que parler voilà, d'amour, de positivité, c'est pas justement un combat? C'est pour ça que c'est un combat. C'est has-been pour les gens, frère. C'est pour essayer de faire des gens, ils n'y croient pas, frère. Sinon, on ne vivrait pas dans un monde dans lequel on est, tu vois. On ne croit pas à ça, frère. Donc bon, ça a fait du bien tant que ça, mais pas vivre ça, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? Parce qu'ils mènent quoi dans notre société, tu vois ce que je veux te dire? Donc je comprends quoi faire. Moi j'ai l'impression que ça fait peur, j'ai l'impression que c'est has-been quoi. Que l'amour c'est pas. C'est pour les imbéciles. Tu vois, l'amour, le côté, mais non, l'amour, tu vois, bisounours. Et donc pour moi c'est ça, c'est qu'on est dans une époque où ça fait pas avant. Hein. En tout cas, dans le mainstream, comme je te disais au tout début, c'est que je pense que, voilà, moi j'essaye de proposer et de laisser les gens disposer. C'est-à-dire que j'essaye plus de convaincre, quoi. J'essaye plus de dire que l'amour c'est bien, l'amour c'est pas bien. Je dis non, moi j'ai choisi de le vivre comme ça, je chante comment je le vis, comment je me bats pour rester comme ça. Chaque monde qui a point égoïste. Et en fait, chaque monde qui a point égoïste, il est là, il a dit, ok, c'est gun, il balance tout, frère. Bon, pas les juger pour gars, c'est ça, pour gars, le cas vivre, c'est ça, il décide de vivre. Ok, on veut dire que c'est une victime du système, mais moi, je refuse de déresponsabiliser les gens. On vit tous dans le même système. Tous dans leur nid. Le vent est pareil pour tous, on choisit comment on met notre voile, quoi. Tu choisis d'être à la dérive. C'est vrai que c'est dur, tout le monde n'a pas le recul pour pouvoir faire ce choix, mais je parle à ceux qui, voilà quoi, je cherche plus à convaincre. Moi je le vis dans le love et ça me va bien. Et j'ai cette croyance qu'on devrait tous la vivre dans le love. Donc je défends ça, mais quelqu'un qui défend autre chose, pourquoi on va dire que c'est pas bien? Pour moi, c'est pas justement, c'est pas être dans l'amour de juger quelqu'un. On dit ouais, son café est négatif, c'est dans la négativité. Qui me demande vous dit ça? Ou quoi peut-être minimiser ben, que c'est une frette à la vivre, c'est peut-être un coup d'alarme que notre jeunesse nous envoie depuis des années et puis on fait la sourde oreille. Comme je disais à un frère, ouais, on est là, ok, les choses, c'est bon et caca, bon et bon, mais on ne va plus en soirée, les frères. On ne va pas en soirée avec nos petits frères, on s'étonne qu'ils fassent n'importe quoi. Où étions-nous pour leur donner l'exemple de comment traiter les femmes? Pas traiter les femmes, mais de comment être en relation avec les femmes, parce que c'est pas traiter un monde, c'est pas bain, ouais. Quoi, ça me l'a dit, ou ouais. Et frère, mais c'est plus ça me l'a dit, c'est que nous quitter yo là. Ok, le has been, bon, c'est sympa, c'est vrai, je sens bien que les plus jeunes viennent me voir, il y a une espèce de respect, genre le grand frère sage, ok. Je suis arrivé sur une place une fois, un frère qui m'a dit, oh, frère, il m'a dit, un coup de feu. Je dis, quoi? Je dis, ah non, moi t'as oublié, ou non, pas des guillemets, en tout cas, yes, I respect, big up, basse au café. Je dis, ouais, mon type, bon, ça mal, mais c'est quoi, yo? Après, c'est choix à main. Didi, bon, quand elle fait coup de feu, à vous faire genre, je dis, ah non, les gars. Ça, c'est choix à la vie, les autres, c'est pas choix à la vie, moi, ils m'ont pas agi, les autres. Parce que peut-être, parce qu'au final, tu me dis, t'es gagné, maman, bien, mais. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, mon cas ici, vraiment. Déjà fait, ben, arrêtez de dire, ouais, n'est-ce pas négatif. Non, nous fait. Tout ça qui a senti quand il est positif, arrêtez plein de causes autres que n'est pas négatif. Fait positif. C'est celle belle à nous peut faire. Pour nous qui concentrons les négatifs, puis qui prend force. Puisque ce qui ça nous a fait, nous qui prenons une vidéo, même qui sorti un clip que tout le monde a que dit ça positif. Regardez ça, que dit ah ouais, mon cas sorti comment bien, ok, pose le téléphone, non. Moi qui voyais un clip et puis bon fesse, bon gun, premier réflexion, que partager. Hé, hey, gars, ça va, il m'a chef fait. T'as là qui dit, il fait ouais, Denis, belle info, que ça va aller là. Tandis que, ben, positif là, ou pas jamais partager. Parce que bon, ça c'est positif, pas de rien, il est extraordinaire, sauf que c'est bien ça où on vit vivre. Très bien, moi, on vit vivre, on vit cool, posé, réel, positif. Bon, c'est vrai, il y a les aléas de la vie, mais cool. Mais au final, faut aimer moi aussi, même en faire un clip et puis deux fois en string, en bel boulot, tout, petit physique. Mon sieur, j'ai qu'à partager. Mon sieur, ça qu'a fait le million. Même si c'est pour dire ça, ils après, il y a dit c'est moi qui est responsable ça. Personne ne peut pas dire responsabilité. Il a dit hé frère, ben partager ça, ma maman, moi, ma cousine, moi, ma mission, mon papa, les bails, depuis un an. Il dit hé frère, ouais, garçon dans l'amour. Vous comprenez? Et mille, là, m'a fait un million. Là, mon cas, ouais, ok, en deux semaines, m'a fait un million de vues. Mon cas, il fait un lot. Et puis après, nous qui tournons comme nous, ouais, nous artistes, là, quand on porte quoi notre jeunesse, mes frères, tout le monde est responsable de ça. Arrêtez de tenir les jeunes artistes responsables pour ça, ils sont juste le produit de notre société. On est tous responsables, on est tous en partie responsables de la société dans laquelle on vit. Hein. On pose la question toujours, à chaque fois dans Musique Jeudi, quels sont les artistes, on va dire, scène actuelle qui retient ton attention en ce moment? Alors là, il y a Foxy Miller. Lui, c'est la scène plus trap urbaine sur le Guadeloupéen. Lucie Naïs. Mon tabou à ma playlist, comme ça. Voilà, j'ai écouté quelques albums jazz là, c'est ton fille. Comme celui de Ralph LaVital, Yolanda Brown. Voilà, c'est La Rose, Bonne de Mike. La jeune génération. Après, qu'est-ce qu'il y a de la jeune génération? Ouais, Mourane, vous voyez, j'aime bien. Jeanne Baudry. Bon, je connais pas tous les, dans tous les styles, je connais pas tout le monde, j'avoue. Sur la scène urbaine et la scène zouk, je connais, je suis pas trop à jour. Mais ouais, il y a des artistes là. Non, moi, je trouve qu'il y a des trucs qui se font, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un petit frère là qui s'appelle Matthew White. Bon, après, c'est pas forcément dans mon style, machin, mais aujourd'hui, je regarde pas que la forme, quoi. J'essaie de plus apprécier le fond. de comprendre l'univers de chaque artiste, tu vois. Avant, j'étais un peu plus hermétique à la musique urbaine ou à la musique un peu trash, comme j'aime l'appeler. Mais bon, après, avec le temps, j'arrive à reconnaître des bons lyricistes, même si c'est slack, même si c'est machin, mais que ça, on peut pas dire que c'est mal fait, quoi, même si c'est pas ma tasse de thé. Alors, qui est-ce encore que j'aime bien? Qu'est-ce qui a sorti des trucs récemment que j'ai envie de dire? Moi, je suis pas trop au courant, hein. Je suis pas trop. Faut vous bouger, là, les jeunes. Là, faut vous bouger, faut sortir des sons. Non, après, je pense que c'est pas évident pour eux, là, d'aujourd'hui, de se faire place, de se faire manquer par où commencer. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'on manque cruellement de performeurs. C'est-à-dire, comme tout se passe sur le net, sur le virtuel, on a de moins en moins de frères qui travaillent leur performance, quoi, leur voix, leur texte, leur flow, les shows, les trucs. C'est pas parce qu'il n'y a pas de tournure, pas parce qu'il n'y a pas de machin, ça c'est des excuses, tu vois. Il faut travailler la performance, il faut travailler la voix, parce que au final, le net peut couper, l'instruire peut mort, il te restera la voix, il te restera, tu vois. Et c'est ce que moi j'aimais bien dans l'esprit des sons de système, dans l'esprit des freestyles, de hip-hop, que j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en ai vu beaucoup, j'en ai participé, puis c'est ces codes-là que je suis imprégné de ces codes-là, c'est où si tu bégayes, tu as la fête. Si tu racontes un truc qui est bof-bof, tu as la fête. Si tu as détonné, tu as la fête. C'était dur, mais ça m'étonne, hein, qui fait que ceux qui sortent, c'est lourd, tu vois, c'est-à-dire, mais c'est lourd dans le, comment on disait ça avant, dans le vivant et en direct, tu vois, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve, ce qui me laisse un peu insensible au mouvement trap, c'est ce côté, je trouve que c'est pas, ok, les punchlines, c'est vrai, machin, mais sur scène, bon, je trouve pas que ce soit une musique de performeur, quoi. Après, je suis aussi très étranger au truc, donc je connais pas tout, mais le peu que j'ai vu, faudrait que j'aille voir un concert de trap, un concert de hip-hop. Est-ce qu'il y en a vraiment? Ben pour voir les trucs, je sais pas, pour voir c'est quoi l'ambiance, comment les gens trippent dessus. Oui, prendre le... Pouvoir comprendre, quoi. Moi j'aime bien essayer de comprendre, c'est-à-dire que bon, les images que je vois, bon, des bits, des trucs. Bien. Mais... Ça me fait penser à une interview de Kalash qui disait quand il avait commencé à sortir des sons trap que c'était justement après un voyage à New York où il avait pris la pulsation en fait dans les clubs, voir comment les gens appliquaient le truc qu'il a capté. Moi j'ai pas capté, j'avoue. Et encore j'écoutais des sons trap dans une fête là. J'ai pas capté, mais bon. C'est ça quand même. Bon, pour autant, je n'en ferai pas pour le moment, tant que je n'ai pas capté, mais. Enfin, je sais pas, moi je reste positif et je reste, j'ai envie de dire, tu vois, mettre l'accent sur des frères comme toi, qui restent actifs, qui font des trucs, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas beaucoup qui font, quoi. Tu vois, on est beaucoup à parler, à faire des analyses, à dire, ok. Bon, on dit ok, un tel aurait pas dû faire ci, machin, on analyse beaucoup. Il y a beaucoup d'experts, quoi, il y a beaucoup d'experts analystes. Mais de ceux qui font, tu vois, j'attends beaucoup de trucs sur Admiralty, je me dis, bon, là, combien d'artistes sont traversés comme lui, ont fond comme lui, sont toujours là. Bon, à un moment, il faudrait peut-être reconnaître que c'est un boss en fait. C'est qu'on est tellement exigeant avec nos boss, tu vois ce que je veux te dire. Enfin, je parle d'Admiralty, c'est le cas de plein d'autres, tu vois. Moi, je big up ceux qui font. Izzy, merci. Merci à toi, j'espère que j'ai pas été trop saoulant. Non. Live and direct, comme tu dis. Ouais, merci beaucoup pour l'opportunité de parler comme ça, quoi. On rappelle quand même. Pour se reconnecter avec l'actualité. Oui, voilà. Mon dernier album, Carnet de voyage d'un soldat en mou, chapitre 1 et 2. Ben, les deux EP sont dispo en digital. Donc vous allez trouver les deux EP séparément, chapitre 1 et chapitre 2. Et ceux qui sont toujours attachés au physique, vous pouvez aller sur le site ekashop.fr et le commander en ligne. Bon, après, si vous êtes aussi frileux de en ligne, je suis désolé. Et tu es sur scène avec Akiyo. Akiyo ce soir en Guadeloupe, enfin je sais pas si c'est ce soir, ça va être le 6 octobre. On a commencé le 6 octobre, ensuite le 7 octobre. Le 6 octobre en Guadeloupe, le 7 octobre en Martinique, il y aura le 3 novembre à Paris au Zénith. Et moi je serai en concert le 19 octobre à Cergy à l'Observatoire et le 6 novembre au Cargo à Londres. Très bien. Donc on est, voilà, on a fait la rentrée, tout ça, maintenant on reprend la route. Conelambi, musique jeudi sur Radio FPP. Je vous donne rendez-vous eh bien, le mois prochain, toujours au premier dimanche du mois, 16h-17h. À plus tard. C'est force là ça, à ma loin d'unité, en bas soleil, chaud là. Ça c'est toute façon nous, oui. Ça c'est toute façon nous. C'est travail à nous. Ça c'est toute façon nous. Travail vélo, laissez là. Ça c'est toute façon nous. Tigo canou. Ça c'est toute façon nous. On joue une rivée, on l'homme débarqué. Voyons à les continents, ah, ça y est, en Caraïbes là. Voyons chaque poton, voyons chaque écart. Voyons chaque banane, voyons récolter café. Chaque, voyons chaque, on va le mettre, récompensé. Tout chaque, voyons chaque, travail là, c'était en bas fouette là. Ma fouette là, ça c'est tout, faut s'en nourrir. Ça c'est tout, pas sans nous. Oh, dis belle et nous, yeah. Ça c'est tout, pas sans nous. Dis gros qu'à moi. Ça c'est tout, pas sans nous. Oh, qu'il dit moi, yeah. Ça c'est tout, pas sans nous. C'est travail à moi. Ça c'est tout, pas sans nous. Et puis un jour, merci Marcel, nous qui remercier Esam, nous qui remercier Eugène, Eugène Mona. On travaille et nous laisser là, ça c'est tout pas à nous. Ça c'est puissance nous, oui, c'est nous. Ça c'est toute force nous. Ça dit Emile laissé là. Ça dit Emile laissé là. Ça dit Emile laissé là. Ça dit Emile laissé là. Ça dit Emile laissé là. Ça dit Emile laissé là. Toujours qu'Emile laissé là. Ça dit Emile laissé là. C'est pas cela ça, comment